Kontext 21. Léo Ferré, La vie d'artiste. Léo Ferré klagt nicht an aus dem Nichts, sondern aus einer zerstörten Welt heraus, aus jener der Hoffnung, des goldenen Zeitalters, welches in das kurze Gedächtnis des modernen Menschen nicht hineinpasst. Er klagt an aus dem goldenen Zeitalter des Jetzt. Er sitzt in seiner Künstlerwelt, Kunstwelt, in einer Welt für sich, genauso vielleicht wie jene der Kindheit, jene des Buschfeuers Verleger, jene des Feuerwerks der Bohème in absurden Ländern, und bewirft alle und alles mit der Munition seiner Musikgedichte. Je te donne ces vers, ich gebe dir diese Verse von Baudelaire. Ich gebe dir diese Verse, damit, wenn mein Name wirklich die fernen Epochen glücklich erreicht und einen Abend träumen lässt die menschlichen Hirne, diese vom Nordwind bevorzugten Schiffe. Je te donne ces vers, afin que si mon nom aborde heureusement aux époques lointaines. Fait rêver un soir les cervelles humaines, vaisseau favorisé par un grand taquillon. La mémoire pareille aux femmes incertaines, fatigue lecteur ainsi qu'un tympanon. Et par un fraternel et mystique chaînon, reste comme pendu à mes rimes hautaines. Être maudit, acquis de l'abîme profond jusqu'au plus haut du ciel, rien en moi ne répond. Ô toi qui, comme une ombre, à la trace éphémère, foule d'un pied léger et d'un regard serein, les stupides mortels qui t'ont jugé amer, statue aux yeux de jet, grand ange au front des reins. Das bevorzugte Schiff der Kindheit. Der kleine Mantel, der wie ein Segel zur Reise einlädt, um zu den 20 Jahren zu kommen. Entweder alles oder nichts, aber in Wirklichkeit nie alles und nie nichts. La Pèlerine, der kleine Mantel, gefolgt von 20 ans, 20 Jahre, interpretiert von Nicole Croisille und Paul Pisch und Tout ce que tu veux, alles was du willst. À l'âge où l'on met des blousons, moi j'endossais ma vieille pèlerine, comme un berger vers ses moutons. Et les bergères qui l'imaginent, ma vieille pèlerine, t'étais d'un drap à bon marché, d'un bleu lavande un peu passé. Tu m'enveloppais comme une tendresse dans le pic matin de ma jeunesse. T'étais bâtissé par Boussac, j'ai même pas une photo Kodak pour leur faire voir comment j'étais. Quand tu m'emmitouflais, ma vieille pèlerine, ma vieille pèlerine. À l'âge où on roule en scooter, moi j'enfourchais ma vieille bécane, une pas jojo, une cavalière, d'avoir le guidon en oreille d'âne, ma vieille bécane. T'étais d'un acier d'à peu près, avec de la rouille dans les trous de nez. Tu promettais des découvertes au bout de la rue à peine ouverte, sur les miracles du goudron où se traînaient les petits garçons qu'on lavait que le samedi soir. Encore fallait-il être bien loin, ma vieille bécane, ma vieille bécane. À l'âge où l'on fait des béguins sans que ça vous coûte le moindre sou, moi je caressais le petit lapin que je trouvais à mes rendez-vous, mon petit lapin. T'étais tout gris comme l'illusion,

copain des hommes, à la dune qui croit que le sable c'est elle, alors qu'il n'appartient qu'aux amants qui l'effacent. Aux chansons de ces ports où l'on ne va jamais, aux ombres dans les soirs qui se prennent pour toi, aux passions des insectes dans les slots de l'été, aux raisons de l'amour que les fous te proposent, à la folie consciente et barrée, au feu rouge, au vert qui s'habitue à voir d'outre saison, au désordre passé dans la machine à songe, à l'oubli de te regarder dans ton vison, au rien qui te fait toi quand tu ne crois en rien, à ces chants de la nuit, à l'agonie des choses, à l'ombre que j'emploie tant illuminée, au mal qui fout sa gueule. Au fond d'un poudrier, et tout ce que tu veux n'appartient qu'au jardin, à la fleur qui ressemble à la fleur que j'invente, au parfum de la nuit qui se prennent la main pour te cueillir là-bas quand ta marée fermente. À moi qui t'apparaît comme une source vive, à l'avion qui s'en va dire un chapelet morse, au carême de dans ton ventre tes coursives, quand la tempête te ranime et t'invective. Au silence du temps qui compte tes silences, à la musique ténébreuse de la chance, à cette huile qui coule au fond de l'habitude, à ton savoir contraint devant la lassitude, à ces bas que tu tires en haut des privilèges, à la pudeur inscrite en bas de ta culotte, à ce tissu violet par mes doigts de violette, à ton jardin ouvert la nuit, aux maisons plaites, au canevas surpris dans ta chambre en dentelle, au cœur de ce triangle où coule l'isocèle, à la géométrique envie de t'empaler, à la mouette qui te mange, à la marée. Et tout ce que tu veux appartient qu'aux enfants, à la rue, aux lumières douces de l'envie, au chagrin inventé par un pli de vertu, au vice généreux qui t'habille et te plie. Au sourire de Dieu qui s'en va dans ta tête, à ta main qui remonte au-delà de ta fête, au rire exténué des mirages partis, au sommeil qui te prend dans le ciel de ton lit, aux pratiques du geste, aux façons de salir, à la blancheur têtue, au noir qui te fait belle, à tes crises en allée vers des ombres fidèles, à ce rien qui t'embarque et qui te fait pâlir, à tout ce qui sait tout qu'au fond de l'habitude, à ce rien qui te fait princesse ou misérable, à cette remontée du fond de ta pâleur, quand le printemps remet de l'ordre dans ta fleur, à ces halètements d'une chambre d'hôtel, à cette voie lactée où tu te sens mouillé, à ces cris de la faim qui n'en finira pas, à tout ce que tu veux il n'appartient qu'à toi. Das Leben des Künstlers, einsam, aufgefressen zwischen zerstörten Beziehungen, erfolglosen Jahren, Spezialistentum, mutwilligen Verlegern. Und dann Paris, die Stadt der großen Fressen des Bürgers und der gefressenen Dichter. Zu hören La Vie d'Artiste, gesungen von Barbara, Les Spécialistes, die Spezialisten, Monsieur Barclay, Inhaber des gleichnamigen Labels, Vison l'Editeur zielt auf den Verleger à Saint-Germain-des-Prés und Gabi. On s'est rencontrés par hasard ici, ailleurs ou autre part, il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé, même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi rêver, de quoi chanter, et tu croyais sans ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui, depuis qu'on est toi et moi, nous revient 7 fois par semaine. Soirée sans cinéma et mon succès qui ne vient pas et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié de ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profites-en mon amour, les belles années passent vite. Et maintenant tu vas partir, tous les deux nous allons vieillir, chacun pour soi comme c'est triste. Et pour emporter le phono, moi je conserve le piano, je continue ma vie d'artiste. Un jour on ne sait trop pourquoi, un étrange, maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès, mais un peu triste, toi qui sais. Il lui dira que je m'en fiche. Quand dans une manif, tu regardes naïf les vitrines qui défilent, où sont exposés les musts du quartier. Des trucs plus ou moins futiles, si tu veux prouver en lançant le pavé que ce commerce t'attriste, repose ton parpaing, fais pas ça copain, faut laisser faire les spécialistes. Pour tout mettre à sac, les anciens du sac viendront diriger sur place les incontrôlés qu'ils ont enrôlés. C'est eux qui rompront la glace. Mais c'est toi qui seras gaulé. Comme il est normal. Pour un marginal, tu dis non. Au nucléaire, tu te fais du mouron pour ceux qui viendront après nous. Sur cette terre, t'as comme un penchant pour quelques savants qui ont des airs pessimistes. Tu me fais du chagrin, fais pas ça comme eux. Faut laisser faire les spécialistes. N'écoute pas Taziev, écoute l'EDF, c'est elle qui tranche et qui juge. Comme tout un chacun adhère à l'emprunt et dit, après nous, déluge. Ce qui est important, c'est le bénéf. T'as des opinions et tes convictions. Tu tiens à les dire aux autres. T'annonces la couleur. Tu dévoiles ton cœur à la façon des apôtres. Tu cries sur les toits. Y'en a marre des lois et du jour capitaliste. Pour qu'on te connaisse bien, fais pas ça, copain. Faut laisser faire les spécialistes. On ne sait pas qui c'est, mais pour dénoncer, ils ont l'art et la pratique, ta vie, tes pensées. Tout est recensé, ça marche à l'électronique. Chez les poulagas français. Si des mecs jaloux, on en trouve partout. Chez nous, on n'est pas en reste. Annonce si tu veux. Que tu vas souper, diriger un grand orchestre, ça fera illico de fielleux échos sous la plume des journalistes qui diront soudain: fais pas ça, copain, faut laisser faire les spécialistes. On se sent à l'aise lorsque c'est Boulez qui s'empare de la baguette. Mais c'est inopportun lorsque c'est quelqu'un qui fait dans la chansonnette. Et même pas dans le show business. C'est Mozart, mais c'était pas un spécialiste. Monsieur Barclay m'a demandé Léo Ferré, je veux un succès. Afin que je puisse promotionner à Europe 1 et chez Fontaine et chez Lourier et chez Dufresne. Et moi, pas con, j'ai répondu, voilà patron ce que j'ai répondu. Yes, yes, et Bombay, tirame la gamba, tirame la gamba. Yes, yes, Bombay, tirame la gamba sur le travail. Monsieur Barclay m'a signifié Léo Ferré, on met le paquet, tirame la gamba, afin que je puisse tirame la gamba bien matraquer. À Europe 1 et chez Fontaine et chez Lourier et chez Dufresne. Et moi pas fou du tac au tac, j'ai dit mon loup, v'là ta matraque. Yes, yes, Bombay, tirame la gamba, yes, yes, Bombay, tirame la gamba sur le travail. Monsieur Barclay m'a dit, mon cher Léo Ferré, ça ne vaut pas cher, tirame la gamba, mais si tu me fais tirame la gamba, un beau succès pour Europe 1 et pour Fontaine et pour Lourier et pour Dufresne, je suis pas salaud et pour la peine je vendrai Rimbaud avec Verlaine. Yes, but Canaille, tirame la gamba, yes, but Canaille, tirame la gamba, ma fin de bail, ouais. Allez! Allez, chantez! Yeah. beaucoup fantastique, il va falloir travailler dur. C'est pas que j'aime la musique, mais là, vraiment, c'est un coup sûr. C'est au quartier de la Bohème qu'on m'a signalé un auteur. Allez dire à celle que j'aime que l'argent n'est pas le bonheur. Prenez vos pinces de dièse, vos chalumeaux de bémol, ouvrons donc la parenthèse au chant de ce rossignol. Clé de sol à l'abordage, clé de fa faisant le guet. Profitons de l'avantage, la portée n'est pas fermée. Dans sa cuisine, une guitare, tâchez de ne pas la manquer. Dans son placard, quelques bécards, laissez-les lui, ils sont brisés. Pour moduler sur tous ses thèmes, prenez les clés de sa douleur. Car c'est sur la peine que j'aime voir pousser mon blé d'éditeur. Prenez ses rides de dièse et ses larmes de bémol, et fermons la parenthèse au chant de ce rossignol. Clé de sol, tapis dans l'ombre, clé de fa sur le palier, et faisons des coupes sombres dans cette forêt d'idées. On m'a dit qu'il fallait faire vite, qu'il ne chantait plus à sa fin. Avant qu'il ne chante en bronchite, tâchez qu'il chante pour mon bien. Arche des quelques chrysanthèmes, ça montrera qu'on a du cœur. Car c'est sur la peine que j'aime voir pousser mon blé d'éditeur. Imprimons cette fadaise à des milliers de formats et fermons la parenthèse à ce qui fut le contrat. Et sur les ondes cosmiques, que ça n'aille incognito, les paroles et la musique que m'a laissé cet idiot. Faites-moi de la musique et faites-moi des kilos. Ha ha ha ha ha ha. J'habite à Saint-Germain-des-Prés et chaque soir j'ai rendez-vous avec Verlaine. Ce vieux Pierrot n'a pas changé pour courir le guilledou près de la Seine. Souvent on est flanqué d'Apollinaire qui s'en vient musarader chez nos misères. C'est bête, on voulait s'amuser, mais c'est raté. On était trop fauchés. Regardez-les, tous ces voyous, tous ces poètes de dessous et leur teint blême. Regardez-les tous ces fauchés qui font semblant de ne jamais finir la semaine. Ils sont riches à crever, d'ailleurs ils crèvent. Tous ces rimeurs fauchés font bien des rêves. Quand même ils parlent le latin et n'ont plus faim. À Saint-Germain-des-Prés, si vous passez rue de l'Abbaye, rue Saint-Benoît, rue Visconti, près de la Seine, regardez le monsieur qui sourit, c'est Jean Racine ou Valérie, peut-être Verlaine. Alors vous comprendrez, Jean de passage, pourquoi ces grands fauchés font du tapage. C'est bête, il fallait y penser. Saluons-les à Die Literatur ist der Preis, den man bezahlen musste für diese Schreiberlinge, damit diese Schreiberlinge uns erlaubten zu atmen in Saint-Germain. Alle krepiert diese Schreiber und ihre Bücher grüßen sie. Es war halt notwendig, dass sie jemanden haben, der sie anschaut, der ihnen zuhört in der Stille des Nichts. Dans les draps que l'amour referme sur la nuit. Tous les amis du monde, endroit qu'à leur cercueil, la foule vienne et prie. Ça fait rire, non? Gabi, Gabi, percolage, je te voyais. Ah là là, tes comptes, ta machine, ton crayon. Tu notais tout. Peut-être aussi le temps qu'il ferait demain pour ta bière, tant. Ton whisky, tant. Et tu notais. Et je chantais. Pour. Vous savez. Pourquoi? Pour. Trois fois rien. Gabi. Gabi. Ce Saint-Germain-des-Prés, des faits, soumis. À quoi? À des littérateurs à la noix qui se montraient là-bas dans les cafés, dans ces cafés que tu te souviens, ils m'ont parlé. Ça t'emmerdait ces cafés. Oh, pas tant. La littérature, toi, ça te descendait des oreilles. Tu écoutais la machine, bing, bang, dans les draps que l'amour referme sur la nuit. Tous les amis du monde ont droit qu'à leur cercueil. La foule vienne et prie. Et le Polonais, ah, le Polonais, cheveux longs, il était là, des fois, souvent, il chantait quoi? S'en foutait. Il dansait comme un chien fidèle. Quand j'ai eu des chiens, Gabi, je pensais toujours aux Polonais. C'est pour ça que je les aimais, les chiens et les Polonais. ce pays défait, soumis, depuis des siècles. Triste, avec tous ces Polonais. Debout. Je ne sais plus si je danse. Ils ont peut-être envie. Je chantais en bas. De l'Arlequin. Ce nom-là m'allait comme un gant. La littérature de ce temps n'a pas résisté, Gabi. Ah, Gabi, toi t'es morte, t'en fous. La littérature, c'est le prix qu'on devait payer pour ces écrivailleurs. Pour que ces écrivailleurs nous permettent de respirer à Saint-Germain. Tous crevés, ces littérateurs. Et leurs livres, les saluent. Bah, il faut bien qu'ils aient quelqu'un qui les regarde, qui les écoute, dans le silence. Du rien. Gabi. Ah. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? T'es mort un jour, je l'ai appris. T'es mort. Un jour, tu m'avais dit qu'il fallait que je m'en aille. De l'Arlequin. Ah, je portais bien ce nom-là. Ce nom-là, dans les draps, que l'amour referme sur la nuit. Tous les amis du monde ont droit qu'à leur cercueil, la foule vienne et prie. Et toi, où tu es? Dans quel coin? Sous quelle terre? On s'en fout. Eh oui, je chantais à l'Arlequin. Après, il y avait Francis Blanche. Tu te rappelles? Ah. Mein Leben ist ein Slalom, eine Abwesenheit, eine Hoffnung, die versucht aufzustehen und liegen bleibt im schreienden und von der Sonne der Nacht geleckten Schatten. Besiegt, versaut, mit der Ausrede der Hoffnungslosigkeit, die beruhigt wie eine Decke. Dann der Polster der Unterdrückung, so nah, dass man ihn nicht mehr sieht. Aber was soll's, wenn du Rock bist, Coco, was soll's? Ma vie est un slalom, gefolgt von Nuit d'absence, Nächte der Abwesenheit, l'oppression, die Unterdrückung und der Rock-Coco, du bist Rock-Coco. Ma vie est un slalom, entre maisons, creux. Dans la brume là-bas, je vois un assassin tout en poupe. Et dans le soleil, qui dans l'épaule, le soleil, ça descend toujours comme un vaurien, ça vous met son couteau entre l'épaule. J'ai peur de ce soleil, maman, je ne sais rien, ni toi, ni moi, ni eux, ni ce chagrin de l'aube qui me fait chaque fois renaître du destin que vous croyez heureux, qui n'est que machinal. Ma vie est un slalom entre mon mal. Mes chevaux n'ont plus de licole, mes chiens n'ont plus de muselière. Et mes hiboux prennent leur vol tout à l'heure à Orly. Sur terre, mes araignées font des habits pour les princesses de la mort. Mes hiboux dans les bars de nuit boivent la mienne. Je suis d'ici, je suis d'ailleurs je ne suis pas, et que t'importe à toi la fille au joli cœur qui s'en va, mesurant ma porte à peine rabattue sur moi, ma porte comme une visière, ombre ma gueule d'où je vois tant de lumière sans lumière. Ma vie est un slalom machinal, machinal. Mon ombre à son soleil qui lui lèche sa trace. Quelle horreur de m'entendre, quelle horreur de gueuler. Quand pourrais-je m'étendre sur une marge nette et regarder passer le monde à la lunette, être l'indifférent sur le monde accroupi. Le monde fait toujours pipi, le cul par terre. L'espoir vaincu. L'espoir caché. L'espoir debout. Et puis, le désespoir qui lui sert d'arrangeur. Ça pue l'éternité dans ce bar. Discothèque, l'éternité de la matière, à Music Love et ses couples muets devant l'imaginaire, cet adultère abstrait encombré. Connaissez le sacre du printemps et moi qui meurs de froid devant ma page blanche. Il est des nuits où je m'absente discrètement, secrètement, mon image seule et présente. Elle a mon front, mes vêtements, c'est mon sosie dans cette glace, c'est mon tour de cinéma à ce reflet qui me remplace. Tu jurerais que je suis là. Je survole en deltaplane les sommets bleus des Pyrénées en Andorre la catalane, je laisse aller ma destinée, je foule aux pieds un champ de seigle ou bien peut-être un champ de blé. Dans les airs, j'ai croisé des aigles et je croyais leur ressembler. Le vent d'été parfois m'entraîne trop loin, c'est un risque à courir. Dans le tumulte des arènes, je suis tout ce qui doit mourir. Je suis la pauvre aridelle au ventre ouvert par le taureau. Je suis le taureau qui chancelle. Je suis la peur du torero. Jour de semaine ou bien dimanche, tout frissonnant dans le dégel, je suis au bord de la mer blanche. Dans la nuit blanche d'Archangelsk, j'interpelle des marins ivres, autant d'alcool que de sommeil. Cet éclat blême sur le givre, est-ce la lune ou le soleil? Le jour pâle attriste les meubles, et voilà, c'est déjà demain. Le gel persiste aux yeux aveugles de mon chien qui cherche ma main. Et toi, tu dors dans le silence où sans moi tu sais recouvrer ce calme visage d'enfance qui m'attendrit jusqu'à pleurer. Il est des nuits où je m'absente discrètement, secrètement. Mon image seule est présente, elle a mon front, mes vêtements, c'est mon sosie dans cette glace, c'est mon double de cinéma. À ce reflet qui me remplace, tu jurerais que je suis là. Il est des nuits où je m'absente discrètement, secrètement. Mon image seule est présente, elle a mon front, mes vêtements, c'est mon sosie dans cette glace, c'est mon double de cinéma, à ce reflet qui me remplace, tu jurerais que je suis là. Des mains bonnes à tout, même à tenir des armes, dans ces rues que les hommes ont tracées pour ton bien, ces rivages perdus vers lesquels tu t'acharnes, où tu veux aborder, et pour t'en empêcher, les mains de l'oppression. Regarde-la gémir sur la gueule des gens, avec leurs yeux fardés d'horaires et de rêves. Regarde-la se taire aux gorges du printemps, avec les mains trahies par la faim qui se lève. Ses yeux qui te regardent, et la nuit et le jour, et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes, et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. Regarde-la pointer son sourire indécent sur la censure apprise et qui va à la messe. Regarde-la jouir dans ce jouet d'enfant et qui tue des fantômes en perdant ta jeunesse. Ces lois qui t'embarrassent au point de les nier, dans les couloirs glacés de la nuit conseillère, et l'amour qui se lève à l'université et qui t'envahira lorsque tu casseras les lois de l'oppression. Regarde la flâner dans l'œil de tes copains, sous le couvert joyeux de soleil fraternel. Regarde-la glisser peu à peu dans leurs mains, qui formeront des points dès qu'ils auront atteint l'âge de l'oppression. Ses yeux qui te regardent, et la nuit et le jour, et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes, et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. Avec nos pieds chaussés de sang, avec nos mains clouées aux portes, et nos yeux qui n'ont que des dents, comme les têtes qui sont mortes, avec nos poumons de camel, avec nos bouches sparadrap, et nos femmes qu'on monte au ciel, dans nos ascenseurs pyjama. Avec nos morales bâtardes, filles d'un Christ millésimé et d'un almanach où s'attarde notre millénaire attardé, et puis nos fauteuils désossés portant nos viandes avec os et la chanson des trépassés, des jours de gloire de nos bosses. Des rocs, coco. Avec nos oreilles au mur, avec nos langues polyglottes qui magnétophonisent sur tous les tons et toutes les bottes, avec nos pelisses nylon qui font s'attrister les panthères dans les vitrines du Gabon, leur peau pressentant la rombière. Avec nos journaux pansements qui sèchent les plaies prolétaires et les cadavres de romans que les concours vermifugèrent, avec la société bidon qui s'anonymise et prospère, et puis la rage aux pantalons qui fait des soldats pour la guerre. Cela dit en vers de huit pieds, à seule fin de prendre date, je lâche mon humanité et je m'en vais à quatre pas. Gestaltet haben diesmal die Sendung Alexander Schürmann Emanueli und Robert Zöchling. Und noch eine Botschaft an alle Albatrosse: Lasst eure Flügel nicht stutzen. Mes ailes et mon futal qui traîne dans la rue. Si c'est ça l'albatros, je vole comme lui. Mes ailes et mon chagrin ensemble descendus. vous pouvez me rogner les ailes, c'est gratuit. Et à Pâques, des albatros et aussi des bateaux. Et à Pâques, des albatros et aussi des salauds. Il y a tous ceux qui regardent traîner les ailes des albatros. Je ne sais pas de blanc comme une hostie de passe. Quand je la vois d'un trait devant les ponts debout, qui me lapiderait au grand jour de la chasse. La chasse à l'albatros qui vit à tes genoux. Et à pas des albatros au-dessus des cités. Et à pas des albatros au-dessus des pavés. Il y a tous ceux qui voudraient bien couper les ailes aux albatros. Et mes ailes maxi peignées par la tempête. Dans la rue, dans les nights et les trucs stéréo, m'envole doucement au-dessus de la fête. Si tu veux les peigner, t'as qu'à grimper là-haut. Et à Pâques des albatros au-dessus de la terre. Et à Pâques des albatros du côté de Nanterre. Il y a tous ceux qui voudraient bien que n'aient plus d'air. Les albatros. Là-haut où l'albatros est du blanc d'innocence, cette blancheur têtue dont rêvent les jaloux, qui regardent passer ces oiseaux du silence. Ils peuvent me rogner les ailes, je m'en fous. Et à Pâques des albatros au-dessus des cités. Albatros au-dessus des pavés. Il y a tous ceux qui voudraient bien ne plus jamais voir voler les albatros. Que leurs ailes de géants n'empêchent plus désormais de marcher. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.